Le comité suisse-coréen et le cercle suisse d'études des études jetées ont publié le 13 une déclaration conjointe contre la bande de Bakounet qui accuse en permanence la République populaire démocratique de Corée en vue de se débarrasser de la protestation et de l'accusation véhémente non seulement des Sud-Coréens mais aussi de toute la nation coréenne et de la communauté internationale opposée au déploiement de satellites américains.